is a blessing. Knowledge is a weapon. You should choose love instead of being reckless. Candle in the darkness, help change the heartless. Use love to guide you, I'll be there regardless. Situation global, we're like in a rowboat, swimming up the river, so I can deliver message to the masses, no matter your status. Nothing's ever over, we believe in second chances. Many people dying, governments are lying. Stand for our rights, and please no more violence. Start with the kindness, together we united. When we are one, nothing can divide us. Big Love des Black Eyed Peas sur RGM. Presque 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 28 novembre 1929. Naissance de Berry Gordy, producteur musical américain qui avait fondé le label Motown. 1946, naissance de Joe Dante Jr., réalisateur américain des films Piranha, Gremlins 1 et 2 ou encore les Looney Tunes passent à l'action. 1949, naissance de Jean-Charles de Castelbajac, styliste français. 1950, naissance de Ed Harris, acteur américain vu dans Ma meilleure ennemie, Stalingrad dans le rôle du major Erwin Conning, Buffalo Soldiers, un homme d'exception, The Hours dans le rôle de Richard Brown, Benjamin Gates et le livre des secrets dans le rôle de Mitch Wilkinson, et il sera à l'affiche l'année prochaine du film Top Gun Maverick. 1959, naissance de Jude Nelson, acteur américain connu pour ses rôles de John Bender dans Breakfast Club et d'Alec Newberry dans St. Elmo's Fire. 1961, naissance d'Alfonso Cuarón, réalisateur, producteur, scénariste mexicain, réalisateur d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, de Gravity, producteur et scénariste de Gravity, récompensé d'ailleurs par l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur montage. 1968, naissance de Dawn Robinson, chanteuse américaine qui a fait partie du groupe En Vogue de 1990 à 1996, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre Don't Let Go. Voilà pour l'extrait donc Don't Let Go du groupe En Vogue. On continue, on reste en 1968 avec la naissance d'Apple Diapi, chanteur américain, membre du groupe Black Eyed Peas. 1978, naissance d'Aimé Garcia, actrice américaine, vue dans 7 ans de séduction dans le rôle de Nicole. En 2014, dans Robocop, dans le rôle de Jay et Kim. Dans les séries télé Urgence, Las Vegas, Supernatural, Bones, Dexter, saison 6, 7 et 8, dans le rôle de Jamie Battista. Hawaii 5-0, Lucifer dans le rôle d'Ella ou encore la série télé Rush Hour. 1979, naissance de Daniel Henney, acteur américano-coréen, vu dans X-Men Origins Wolverine dans le rôle de David North, alias l'agent Zero, vu dans la série Hawaii 5-0, NCIS Los Angeles, esprit criminel Unité sans frontières dans le rôle de l'agent des opérations spéciales Matthew Simons, et depuis 2015, il interprète ce rôle dans la série Esprit criminel. 1981, naissance de Louise Bourgoin, actrice animatrice télé française, hein, découverte dans l'émission Le Grand Journal, vue dans les films La Fille de Monaco dans le rôle d'Audrey Varella, Le Petit Nicolas, Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec dans le rôle d'Adèle Blanc-Sec, Un Heureux Événement dans le rôle de Barbara, L'Amour dure 3 ans dans le rôle d'Alice ou encore Sous le même toit. 1983, naissance d'Edouard Roger Vasselin, joueur de tennis français, professionnel depuis 2001, qui en simple a été 35e mondial en 2014, 16e de finaliste à l'Open d'Australie Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon, 32e de finaliste à l'US Open. En double, il a été numéro 6 mondial en 2014. Il a gagné une fois le tournoi de Roland-Garros, il a été une fois finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. 1984, naissance de Trey Songz, chanteur américain. C'est également l'année de naissance de Marie-Elisabeth Winstead, actrice américaine, vue dans Le Cercle 2, Destination Finale 3, Boulevard de la Mort, Die Hard 4, Retour en Enfer, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, dans le rôle de Mary Todd Lincoln. 1985, naissance de Lefar, rappeur français, membre du groupe Section d'Assaut, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Ma Direction. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du pain, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canon. Tout ça se fait pour moi, ce qui doute est la taronne. J'ai pété les plans. J'ai quitté l'école. Si seulement tu savais tout le mal que je garde. Voilà pour l'extrait donc de Section d'Assaut. On reste en 85 avec la naissance de Chaim, chanteuse française. 1987, naissance de Karen Gillan, actrice écossaise, vue dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, Avengers Infinity War, dans le rôle de Nebula. Elle reprendra d'ailleurs ce rôle en 2019 dans Avengers 4, vue en 2017 dans Jumanji, Bienvenue dans la Jungle, dans les rôles de Ruby Roadhouse et Martha Kaplan, ou encore dans la série Doctor Who, dans le rôle d'Amy Pond. En 2007, décédait Fred Chichin, musicien français du groupe Les Rita Mitsuko. Et en 2010, décédait Leslie Nielsen, acteur canadien connu pour le rôle du docteur Rumack dans Y a-t-il un pilote dans l'avion et Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion. Son rôle du lieutenant Frank Drebin dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, et vu également dans Scary Movie 3. 3 et 4 dans le rôle du président Baxter Harris. Allez, avant de parler sortie ciné, on va faire une petite pause avec un extrait de Chaim et son tube. Et alors ? Qui osent, qui incarnent la différence, qui posent sans qu'on leur dise mais comme ils le pensent. Parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idée. Voilà pour l'extrait donc de Chaim. Allez, on fait un point sur les sorties cinéma comme tous les mercredis. On commence avec Sauver ou Périr, un drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier ou encore Chloé Stéphany. Autre film, un remake cette fois-ci, c'est Robin des Bois, un film d'aventure d'Otto Bathurst avec Taron Egerton, Jamie Foxx ou encore Jamie Dornan. Autre film, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, un film fantastique de Lasse Hallström et Joe Johnson avec Mackenzie Foy, Chiara Knile ou encore Hélène Mirren. Autre film, Lola et ses frères, comédie dramatique de Jean-Paul Rouve avec Ludivine Sagné, José Garcia et Jean-Paul Rouve. Film d'animation, Le Grinch. Et enfin, dernier film, un thriller intitulé Les Veuves de Steve McQueen avec Viola Davis, Michelle Rodriguez ou encore Elisabeth Debicki. Allez, petite pause avec le chanteur Trey Songz et son titre Simply Amazing. Her head is on my chest, sun comes rolling in. We're lost in these covers, and all I feel is skin. I slowly kiss your face, beautiful in every way. You are. See, I'm a man that don't believe in much, but I'd be damned if I don't believe in us. How we play a fight up in the bathroom, next thing you know I'm making love to you. Girl, promise me you'll never change. She ain't perfect, but she's worth it. Every breath I breathe for the life of me. And I know I might not deserve it, but she loves me, and it's simply amazing. Simply amazing. Simply amazing. And she loves me, and it's simply amazing. Amazing, amazing. The girl's a work of art, and I can't help but stare. With a smile like the sunset, and the ocean is ahead. Ooh. What she do ain't fair. Ooh. And she know me better than I know myself. Mm-hmm. See, I'm a man. Amazing, Trey Songz sur le 107 FM, 8h50, point météo. La météo. Et bien aujourd'hui, ce sera des nuages et de la pluie, des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés cet après-midi. Jeudi, ce sera le retour des éclaircies, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour demain après-midi. Vendredi, ce sera le retour de la pluie, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un petit point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le football et le résultat de la Coupe de la Ligue. Nîmes a éliminé Saint-Etienne après les tirs au but, 4-2, puisqu'après le temps réglementaire et prolongation, il y avait un partout. En Ligue des Champions, Lyon a fait match nul, 2-2 face à Manchester City. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 à l'AS Rome. La Juventus de Turin s'est imposée 1-0 face au club de Valencia. Et enfin, Manchester United s'est imposé 1-0 face au club de Young Boys. Aujourd'hui, Monaco se déplace à l'Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain reçoit le club de Liverpool et Neymar et Mbappé seront bien sur le terrain ce soir. Tottenham reçoit l'Inter de Milan et le FC Barcelone se déplace au PSV Eindhoven. On termine avec du basket. Cette nuit, l'équipe de Tilikina de New York s'est inclinée face à Détroit 115-108. Aucun point pour le français, malgré 14 minutes de temps de jeu. Et l'équipe de Phoenix, qui n'a pas aligné le français Okobo, s'est inclinée face au club d'Indiana. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec les Rita Mitsuko et le titre « C'est comme ça ». We'll be right back. comme ça, les Rita Mitsuko sur RGM. Eh bien, il est presque 8h58, hein, c'est donc déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur tout ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques instants, à 9h, ce sera Regarde ailleurs. 10h, les ados avec l'IME de Saint-Amé. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 18h, l'heure des loups avec Lou. Et puis, c'est tout. Hein. Et nous, on se retrouve eh bien, demain matin. Même heure, même endroit, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.